âme de millet. Même si j'ai pas toujours eu ce que je voulais, la vie m'a refoulé, un coup de bâton sur le mollet. Je me défoule, je fais la fête, j'ai à manger, j'ai à boire, pendant que d'autres font la manche à bout de carton sur le trottoir. Alhamdoulilah, j'ai mes deux jambes, mes deux bras, j'ai la vue, j'ai l'ouïe, pas de maladie comme le sida. Alhamdoulilah, j'ai pas de fortune mais la santé, ok on m'a zappé, mais toujours alhamdoulilah. J'arrive à survivre, malgré cette migraine qui me poursuit partout à chaque pas que je fais. Alhamdoulilah, je ne suis pas orphelin, j'ai ma mère, mon père, même s'ils vivent chacun dans leur coin. Alhamdoulilah, je le dis en regardant la petite sœur grandir, son sourire me fait enlever mes soucis. Alhamdoulilah, où je vis c'est pas la guerre, territoire qui goûte aux flammes de l'enfer. Alhamdoulilah, j'ai des origines antillaises, africaines, je suis en France, loge en HLM. J'ai de la famille qui rêverait d'être à ma place, c'est la famine, la sécheresse, ils ont jamais vu la glace. Alhamdoulilah, dans le cœur la plus belle religion. Louange tout puissant, il est temps que je me range. Alhamdoulilah, c'est le mot qu'on répète dans le morceau. A chaque fois que t'obtiens quelque chose, dis-le en regardant en haut. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est alhamdoulilah. Des épreuves dans nos vies, mais alhamdoulilah. Des coups de grâce, des ennuis toujours, alhamdoulilah. Même si l'angoisse nous suit, ça sera alhamdoulilah. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est alhamdoulilah. Des épreuves dans nos vies, mais alhamdoulilah. Des coups de grâce, des ennuis toujours, alhamdoulilah. Même si l'angoisse nous suit, ça sera alhamdoulilah. J'ai trop de fois confondu le bien et le mal, mais j'ai vite fait le compte rendu de ce que je fais. Bien ce que je fais de mal, alhamdoulilah. Je suis un de ces mecs qui tient la route, même si beaucoup de choses des fois me poussent à la déroute. Yema, je crois que j'ai hérité de ta conscience et ta raison. Quand tu me dis pas donner ma confiance, je me suis laissé berner par des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui j'ai cerné, faut que je m'en éloigne comme des flammes. Plus j'avance, plus c'est flou, plus t'avances, moi t'es doux. Même si nos corps sont libres, nos cœurs est sous écrou. J'ai pris des coups de ceinture et je t'assure que ça fait du bien. Je suis de mauvaise nature et c'est ce qui fait que je tiens. A chaque fois, demande pardon dans mes salades. Respect à mon père qui m'a appris mes premières sourates. Respect aux frères dans le dîme, coq, comme Morad. On verra notre estime que le jour où on mourra. Je vis entre les hijabs et les grosses barbes. Chez moi tu fermes ta gueule et tu bouffes ce qu'il y a sur la table. On a l'esprit paternel, ne crois qu'en l'éternel. Toujours nerveux, même sur les photos de la maternelle. Malgré les séquelles, c'est toujours alhamdoulilah. De toute façon c'est la merde quand tu t'appelles Naïm ou Abdi. J'ai encore de l'espoir quand je vois mes grands frères. On restera invaincu, Moudjahidine comme le grand père. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est alhamdoulilah. Des épreuves dans nos vies, mais alhamdoulilah. Des coups de grâce, des ennuis toujours, alhamdoulilah. Même si l'angoisse nous suit, ça sera alhamdoulilah. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est alhamdoulilah. Des épreuves dans nos vies, mais alhamdoulilah. Des coups de grâce, des ennuis toujours, alhamdoulilah. Même si l'angoisse nous suit, ça sera alhamdoulilah. Alhamdoulilah.